voilà du lourd au mouvement de la ville. Yeah. Dans le pays des hommes, tu es resté bien pour de la vie. Dans la ville, dans la ville, dans le game, dans le game. Pour envoyer trop de style, reste à la place quand je pars en écho. Trop speed pour toi, pas moyen de rétrograde. Ma tête attaque en pleine tête, laisse des cocards, c'est chaudard. Le show commence et tu t'affoles, j'ai garde la tête toute dans la bataille comme un vrai soldat. Sauf pas mes doigts à l'aise, pose-toi du sur le sofa. Roule un gros pilon accompagné d'un whisky coca. C'est bon, t'as ce qu'il faut. Viens dans l'ambiance, on du 4-6 gros. Sous le pas dans les vrais parties, gros. Le mic est dispo, c'est sur moi qu'il faut que tu mises. Pour ma rime te verbalise, parfait, t'as localise. Tu rap pour les vrais, que les frères se mobilisent. Qu'on est frais, les deux traits et les faibles de la liste. Si la vie sur la piste, alors fais tourner le disque. Si mon laisse te plaît, fourre-le dans ta playlist. Hey, les fais tourner le disque, l'air. Car la sagesse est claire. Sexy les dissexites, va ta caisse. Pousse le soin à fond quand tu baisses les vitres. Un peu de grisette, sus. Man apprécie cette fille. J'ai le premier aperçu. J'espère que c'est bien su. Ça devient tendu. Dès le début, tu ne tiens plus debout. Voir cette nouvelle ère, marque le coup avec mes jeunes loups. S'il faut casser le doigt, la concurrence, faut avec nous. Règle déjà verti, j'avance petit à petit. Allume les platines, j'aplatis tous ces abrutis. Poursuis ma route, la reconnaissance est massive. Représenter le possible, Inch'Allah, ça sera possible. On a encore une heure. Avec force et honneur, ça pourra pour qu'il soit meilleur quand il sort des boomers. Première bombe larguée, elle a un peu de rescapé. Mon feu est un bolide rapide et le tien reste à pied. Je viens casser les portes pour introduire mes boîtes, foutre le bordel en force. Fais tout, ouais. Je prends ma tour, sortez du sous-sol. Fais tout, même avec ta clique, toute seule comme un gros sort. Fais tout, j'ai passé le message à ton entourage. Fais tout, merci, elle a scène H, j'ai dans les parages. Fais tout, les notions dans ta tête ou ta tête. Fais tout, fais tourner mon place pour qu'ils prennent du buzz. Radio CD, radio internet, télévision, fais tourner le son foiré. NES, fais le tourner clamar, on dit quoi représente. Jesse Jam, Nervu, NES, Jesse Jam, fais tourner. Recharger, tirer.